Oh. Yes. Thank you. Shakana. d'amis et d'amour. Thank you. Qui n'est pas ma compagne, évidemment, mais que j'apprécie dans ce qu'elle fait. Et donc, au banc des accusés, non, pas ça, mais plutôt dans ce côté festif, je voudrais appeler Claudio, peut nous faire un petit conte urbain ou quelque chose qui ressemble à de la.